Hey, très enfoiré, bon enfoiré. Isa Gourouma, Marouti 43. C'est carré comme en Corée du Nord. Hey, très enfoiré, bon enfoiré. Hey, l'instru est salé, je vais la voir sa mère. Je vais la voir sa mère. Je vais la voir sa mère. Hey. L'instru est salé, je vais la voir sa mère. On est dans les affaires et ça date pas d'hier. Je m'envoie du whisky, je te ralasse ta bière. Algérie, Colombie, Sénégal, Cap Vert. Faut que je me resserre entre 3 et 4 verres. Je vais les viscères bien avant la frontière. Bréda, Rotter, Valenciennes, Quimper. Je fais des affaires avec tous mes compères. 6h du matin, j'ai vesti leur vieux pétale. Verre de whisky, j'ai dormi chez ta pétale. Sa famille fait des E, prend tout l'argent des gueux, mais c'est que des sous dégueux. Je sais pas c'est quoi des gains. Je suis qu'une moula du Paris Saint-Germain. Transport à ces Milan, je refais le bilan comme Elodie Villan. C'est le 80 Zedou en 82 coups. Maroki 43, c'est même pas de la peu coup. La zipette, la pesette, dans la puitette. J'attends les Yamplis à la direct. Les mecs comme moi font que des sous directs. Et la batte mobile cherche ma cachette. Reçois des coups de fil, c'est encore des raquettes. Je m'en bats les couilles, tout est raclé. Je fais que des sous comme mon Zakoumani. Rappelle de nous comme la Yougoslavie. Une affaire de famille 43 Marocki, je suis toujours en esprit. Je sais pas tes chants, mais je sais comment Reti. C'est nous les méchants, tu veux commander qui? Frappe de Lewandowski, doublé verre de whisky. J'entends midi, minuit, ni ce midi, midi. On n'a jamais fini le raté à la fini. Vicra de la Matiji, on ne fait pas de chichi. Départemental. Qu'est-ce que t'es venu chercher? Un 10 ou un DJ? La coke ou du shit? Rafa, ou d'entrain? Vicra de la Matiji, on ne fait pas de chichi. Qu'est-ce que t'es venu chercher, un 10 ou un DJ, de la coke ou du shit? Tablière, vous d'entrain. J'entends midi, minuit, nous c'est midi, midi. On n'a jamais fini le raté à l'infini. Ça va toquer, j'entends déjà les toquis. Mais l'équipe est au cap, et bien les avocats. Rien ce m'a dit, range les tarpés chez Katou. Les tokou, innocents comme Touki. 43 Marocki, dans la fosse, y'a des grosses et des fausses moulas. J'sais pas c'est qui belle, je la connais pas celle-là. 25 euros le mejeu de celle-là. C'est les tarots chez moi, paye déjà la chez moi. C'est les tarots chez moi, paye déjà la chez moi. Valenciennes, Paname, tout dans le semi-remorque. Je vous laisse dans vos go face, la concurrence est morte. La drogue est bonne et forte, ramenez sous bonne escorte. Surveille ta meuf, surveille que ma porte. L'argent de la hurle, c'est ce que ça rapporte. J'ai baisé la dernière Lara Croft. J'ai tout misé sur Maxime Guillon, Christophe Sumillon. Venez Sumillon, Sumillé. Reste enfoiré, bon enfoiré, buteur à la soirée. Change du placard, j'pète les esprits. Zepec, Moscou, Tam, c'est Bandji. Nobby, Zepi, reste l'enfoiré, bon enfoiré. J'récupère tous les loyers. J'ai le renvoyé, c'est mes délines en bleu, la rue puffée est bleue. Travaille jamais, 25 balais. Flo qui balais, j'te rends l'appareil. 2018, c'est mon année, c'est pas pareil. Libéré Mani, Eric Emma, reste l'enfoiré, Isa Gourouma.